record, le double 07. J'te parle de la scène locale. J'écoute du beat qui vient d'ici. Y'en a qui sortent des gros hits. Ça facilite les choses quand tout le monde s'implique. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu vraiment que je te l'explique? C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu vraiment que je te l'explique? C'est bon, je te l'explique. C'est une vague qui m'entraîne. Les pop québécois s'imprègnent. Ça fait longtemps que j'observe la scène. Mais d'autres jeunes dans la vingtaine. Je suis fier de mon époque. Y'en a qui se forcent pour que les choses débloquent. Big up pour médias qui diffusent notre stock. Longue vie à ceux qui réussissent. Sans l'appui des maisons de disques. À l'abri du fist. Qui ont dû prendre des risques. Cheers aux lyricists. C'est aux chicks qui nous excitent. À tous ceux qui s'impliquent. Surtout à ceux qui s'appliquent à faire des big six. Du linge pis des big six. Gros job de graphiste. Featuring entre artistes. Ceux qui persistent. C'est eux qui persistent. C'est eux qui investissent, il faut que ça grossisse. Sois jaloux, tu qui mérites se retrouver sur la guest list. Au contraire, je vante les albums de mes confrères. Je fais de façon volontaire pour faire monter les enchères. Pour ceux qui veulent que leur beat fasse le tour de la terre. Pour que leur studio se retrouve un jour dans une tour d'affaires. Take care. Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. T'as pas de limite, peu importe où t'habites. Tu sais, plus que tu joues de la guest. Seul ou en équipe, la scène locale conquérit le public. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu que je te l'explique? Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. T'as pas de limite, peu importe où t'habites. Tu sais, plus que tu joues de la guitare. Seul ou en équipe, la scène locale conquérit le public. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu que je te l'explique? Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. Des beats sur que le monde trip. Écoute, on fait partie de la même équipe. C'est tout le monde qui en profite quand on se donne pour notre musique. Les studios grossissent tellement vite. Les boys s'équipent de gros kits. Pour le hip-hop du Québec, je pense que ma région est prête. Partout autour de moi, j'entends les bass drums qui pètent. Big up au groupe d'ici, le hip-hop s'endurcit, j'suis pas surpris. De plus en plus de monde l'écoute pis l'apprécie. Et ceux qui nous diffusent sont peu nombreux mais prennent ça au sérieux. Et si les choses avancent, c'est en partie grâce à eux. Sortir un album ici, c'est pour l'amour du rap qu'il faut le faire. Les quatre coins de ma ville, j'attends pis j'vois les groupes qui persévèrent. C'est pour les groupes de rap, man. Pour les double X large, pour ceux qui trippent hip-hop, man. C'est le beat club. C'est pour tous ceux qui ont un lien, que tu souhaites très loin avec les pop, la scène locale, yeah. Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. T'as pas de limite, peu importe où t'habites. Tu sais, plus que tu joues de la guitare. Seul ou en équipe, la scène locale conquérit le public. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu que je te l'explique? Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. T'as pas de limite, peu importe où t'habites. Tu sais, plus que tu joues de la guitare. Seul ou en équipe, la scène locale conquérit le public. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu que je te l'explique? Sans jalousie, je donne du crédit au bon MC d'ici. J'parle de ceux qui m'impressionnent à chaque sortie. De ceux qui partagent mon style de vie. Les boys auxquels je m'identifie représentent bien leur coin de pays. Le genre qui autofinance leur compagnie. Les bons studios maison poussent comme des champignons. Pour moi c'est pas une compétition. Puis je les écoute à répétition. Sur mon iPod, mon ordi ou ma télévision. Je suis ce qui se passe avec précision. J'ai mes devoirs puis ma révision. De toute façon on a presque toute la même vision. On se bat pour la même mission. Ma chanson c'est comme une pétition. Pour ébranler ceux qui occupent des postes de décision. J'ai curé de voir Eric Lapointe en train de boire toutes les subventions. C'est ça mon opinion, y'en a qui mériteraient plus d'attention. Arrête de chialer puis passe à l'action. Au lieu de mandrer à l'hameçon. Ma génération s'infile dans la population. Pleine de motivation. Installe pour de bon sans demander de permission. Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. T'as pas de limite, peu importe où t'habites. Tu sais, plus que tu joues de la guitare. Seul ou en équipe, la scène locale conquérit le public. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu que je te l'explique? Oh shit, y'en a qui sortent des gros hits. T'as pas de limite, peu importe où t'habites. Tu sais, plus que tu joues de la guitare. Seul ou en équipe, la scène locale conquérit le public. C'est tout le monde qui en profite quand ça devient prolifique. Faut-tu que je te l'explique?